Page 37. Exercice 4. 1. Apolline ne supporte pas la plus petite douleur. C'est ridicule. 2. Tout le monde craignait pour la vie du patient, car la blessure était grave. Mais finalement, il n'y a plus de danger. 3. Malheureusement, Naïma, qui avait déjà 43 ans au moment de sa grossesse, n'a pas pu la mener à terme. 4. S'il te plaît, ne me parle plus de cet échec. Ce n'est pas gentil, car je préférerais l'oublier. 5. Nadine a un cancer qui semblait grave, et puis le traitement a bien marché. Elle n'est pas définitivement guérie, mais elle va beaucoup mieux depuis déjà 2 ans.